Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Alléluia! Acclamons notre Dieu! Bonjour chers parents, chers moniteurs et monitrices, petites amies à l'écoute, amis et connaissances, chers révérends, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec chacun de nous! Alléluia! Acclamons notre Dieu! Nous sommes ce jour avec nos enfants qui nous viennent de... Je m'appelle Kofi Claude Charles Emmanuel, j'ai 10 ans, je suis au CM2. Notre église s'appelle la Missige, Mission Chrétienne Internationale, le Jardin d'Eden. Elle est située. Je me nomme Awe Anne-Elisabeth. J'ai 10 ans. Je suis au classe de CM2. Notre église est située à Cocody, à la Riviera Palmeret, rue Munis. Et vous saluez qui? Je me nomme Mélège Orwell Samuel. J'ai 8 ans. Je suis au classe de CE2. Je salue toutes les monitrices de l'école du dimanche. Je me nomme Saka Kenza Nouriad Jemima. J'ai 9 ans, je suis en classe de CM1. Je salue tous les pasteurs de l'église, précisément Pépé Adjoussou et Mémé Adjoussou. Je me nomme Kramo Afoué Oria Divine. J'ai 9 ans, je suis en classe de CE2. Je salue tous les parents de la... Et nous saluons également la missionnaire Chantal Déborah. Merci les enfants, nous sommes à notre émission... Méditons ensemble, émission de la LLB, entendez toujours par là, la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous saluons tous les ligueurs, toutes les ligueuses, et pour vous, voici l'hymne de la Ligue. Merci à notre trompettiste de l'EMUSI à Bobo Doumé. À ce microphone, votre serviteur, l'évangéliste pasteur des enfants, tonton Richard Niaoré-Séry. Et comme invité de partage, nos enfants qui nous viennent de la Missige, Cocody, Palmeret, rue Ministre. Ensemble pour méditer un merveilleux texte qui nous est donné par le lecteur cadet de la LLB. Notre passage se trouve donc... Je me nomme Gosu Elona Morin. J'ai 11 ans. Je suis en classe de 6e. Notre texte se trouve dans le livre de Jean, chapitre 6, versets 66 à 71. Alors les enfants, quand on médite, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Notre enfant qui s'appelle... Je me nomme Zare Malika. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CE1. Avant de méditer, ou bien quand on médite, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On doit prier. On doit prier. Nous prions selon le psaume 119, verset 18, avec nos enfants de la Missige. Nous prions également avec notre fils. Je me nomme Nyanyene Likat Elisée. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CE2. Je vais prier. Seigneur, merci pour la parole que tu vas nous donner. Que la parole touche le cœur de tous ceux qui vont l'entendre. Que la parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus qui a prié. Amen. Amen. Acclamation pour lui. Nos merveilleux enfants, nous font la lecture de notre passage, Jean, chapitre 6, du verset 66 au verset 71. Je m'appelle Meïra, je lis le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Anne-Élisabeth, Jean 6, verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Elona Morin, verset 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Éphraïm, verset 69. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Claude Emmanuel, verset 70. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Précis Dominique, verset 71. Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. J'aime. Jésus! Leur grande sœur va reprendre la lecture pour une meilleure compréhension. Méliane Tiffany, 3e, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Verset 68. Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Verset 69. « Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Verset 71. Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Amen. Amen. J'aime. Jésus. Merci, chers merveilleux enfants, pour votre merveilleuse lecture. Nous sommes à notre émission Méditons Ensemble, émission de la LLB. Entendez toujours par là la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous méditons avec nos enfants qui nous viennent de la Missige de Cocody, Palmeraie. Et nous saluons encore le révérend pasteur Agusu et son épouse. Nous saluons tous nos auditeurs. Nous méditons, ce qui veut dire que, les enfants, quand on médite, on fait quoi? Autrement dit, que signifie méditer? Ou bien, qui peut me donner le synonyme du mot méditer? Claude Emmanuel, méditer, c'est réfléchir. Méditer, c'est réfléchir. Acclamation pour lui! On réfléchit sur quoi? Sa sœur qui s'appelle... Meïra, on réfléchit sur la parole de Dieu. On réfléchit sur la parole de Dieu. Très bien. Alors, pour nous permettre de bien réfléchir sur la parole de Dieu, chers enfants, chers auditeurs, chers serviteurs et servantes de Dieu, la Ligue pour l'étude de la Bible a mis au point la méthode du lecteur de la Bible. 8 questions avec d'autres méthodes. La première question dit, de quoi s'agit-il dans ce texte? Alors, les enfants, qui peut nous dire de quoi il s'agit dans ce texte? C'est-à-dire, de qui parle-t-on ou de quoi parle-t-on? Je m'appelle Gossou Bellatrice Dominique. Le texte parle de Jésus et ses disciples. Le texte nous parle du Seigneur Jésus et ses disciples. Ils sont en train de faire quoi? Jésus fait quoi et les disciples font quoi? Plus d'Emmanuel, Jésus et ses disciples marchaient. À un moment, ses disciples se sont retirés. Le Seigneur et ses disciples cheminaient. Jésus et ses disciples cheminaient. Ils avaient le même cœur, la même pensée. Ils allaient dans la même direction. À un moment donné, il s'est passé quelque chose. À un moment donné, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quoi? Ses disciples se sont retirés. Hey! Ses disciples se sont retirés. Mais pas tous. Quelques-uns se sont retirés. Qui peut me donner le contraire de se retirer? Quelques-uns se sont retirés. Qui peut me donner le mot contraire à se retirer? Oh ouais, Samuel, le contraire de retirer, c'est reculer. Le contraire de se retirer, reculer. Alors, sa sœur, qu'est-ce que tu as à dire? Le contraire de se retirer pour toi, c'est? Merci, Dominique. Le contraire de se retirer, c'est rester. Le contraire de retirer, c'est rester. Acclamation pour elle. Le contraire de se retirer, c'est rester. Ce qui veut dire que dans notre passage, il y a des disciples qui se sont retirés. Et il y en a qui sont restés. Alors qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à ceux qui sont restés? Claude. Jésus leur a dit au verset 67, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi ?»« Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi ?»« Vous qui êtes restés, pourquoi êtes-vous restés oh? ?»« Vous pouvez faire comme les autres, vous pouvez vous retirer de moi oh? »« Pourquoi êtes-vous restés ? Pourquoi êtes-vous restés ? Pourquoi êtes-vous restés ?» Merci Dominique. Simon-Pierre lui répondit au verset 68. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça nous fait penser à quoi, les enfants? Cette belle réponse de Simon-Pierre. Acclamation pour votre sœur. Alors, ça nous fait penser à cette réponse. Seigneur, à qui irions-nous? De l'apôtre Pierre. Et c'est ce qui est aussi dans la pensée et dans le cœur de vous les enfants et de vous nos chers auditeurs. À qui d'autre aller? Allez chez les féticheurs? Non, jamais. Allez chez les marabouts? Non, jamais. Mais allez à qui? À Jésus. La première question, en méditant, selon la méthode du lecteur de la Bible, on pose une autre question, selon le contexte. Alors, mon fils qui s'appelle Claude. Quelle autre question peux-tu poser à tes camarades? Y a-t-il un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à éviter? Y a-t-il un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à éviter dans... Alors, qui répond? Qui est content? Alors, tu es content de suivre le bon exemple qui est dans ce passage ou bien de suivre le mauvais exemple qui est dans ce passage? Élisée, il faut suivre Simon-Pierre parce qu'il a donné le bon exemple. Tu veux suivre Simon-Pierre parce qu'il a donné le bon exemple. Quel est ce bel exemple que Simon-Pierre a donné? À qui irions-nous? Quand tu as les paroles de la vie. Il a dit à Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie et c'est le bon choix, le meilleur choix. Acclamation pour les petits! Alors, s'il y a un bon exemple, c'est qu'il y a... C'est qu'il y a un mauvais exemple. Quel est ce mauvais exemple qui est à suivre? Quel est ce mauvais exemple qui est à suivre? Il n'y a pas de mauvais exemple à suivre. Un mauvais exemple est toujours à... éviter. Alors, quel est ce mauvais exemple que nous devons éviter? Notre fille qui s'appelle... Meïra, il ne faut pas suivre les disciples qui se sont retirés de Jésus. Il ne faut pas suivre les disciples qui se sont retirés de Jésus. Les disciples qui se sont retirés de Jésus, on peut dire que ce sont les disciples Jus. Quel est le disciple qui s'appelait Jus? Judas. Donc, ce sont des disciples Jus. Des disciples traîtres. Se retirer de Jésus. Mais les enfants, ça veut dire quoi se retirer de Jésus? Ou bien ça veut dire quoi un enfant traître? Oh, Samuel, un enfant traître, c'est un enfant qui fait comme Judas. Un enfant traître est un enfant qui fait comme Judas. Alors, ton grand frère va mieux nous expliquer cela. Faire comme Judas, c'est faire quoi exactement? Claude Emmanuel, faire comme Judas, c'est tromper les gens. Tromper les gens? Toi, enfant de l'école du dimanche, depuis que tu es petit, tu viens avec tes parents à l'école du dimanche. On t'enseigne la parole de Dieu. Tu participes même au club biblique de ton quartier. Tu fais les émissions, militons ensemble avec J'aime Jésus. Tu es devenue une fille, une jolie fille. Et puis, tu prends grossesse avant ton mariage. Yawa. Et puis, tu prends grossesse. Avant ton mariage, hein? Et puis, tu prends grossesse avant ton mariage. Ça là, comment on peut appeler ça? Tu es un enfant. Depuis ton enfance, tu connais la parole de Dieu. Tu connais les Saintes Écritures et tu as grandi. Tu es devenu une fille plus jolie. Tu n'entends pas ton mariage, tu prends grossesse. Ça là, c'est pas faire comme Judas. Vrai ou faux? Ou bien qui n'est pas d'accord? Les parents. N'est-ce pas faire comme Judas? Ou bien, quel autre exemple peut-on encore prendre? Les grands frères et la grande sœur de nos enfants nous disent quelque chose là-dessus. Chers parents, chers révérends, les enfants traîtres, ce sont aussi nos enfants, les enfants à qui on enseigne la parole, mais qui, devant par exemple les concours d'élection Miss, si on dit qu'un maire organise le concours Miss des petites Aoulaba ou Miss les petits Bagnons, beaucoup de nos enfants ce concours. Il y a des parents même qui emploient leurs enfants à faire des concours Miss. À regarder les films brésiliens, les films de pornographie. Et même, quand tu aides tes camarades à tricher, il y a des enfants qui disent que c'est rendre service. Non, c'est être traître. Parce que quand on aime Jésus, on fait quoi? On marche comment avec lui? Oui, notre maman va aider les enfants à comprendre comment on marche avec Jésus quand on l'aime. C'est maman Gossoafoué. Quand on aime Jésus, on marche fidèlement selon sa parole. On marche fidèlement selon sa parole. On reste attaché à Jésus. On reste attaché à Jésus. Acclamation pour Maman Dossou. Et comme ça, on a la force pour obéir à ses commandements. Et pour être attaché à Jésus, il faut toujours l'appeler sur sa bonne ligne. Et sa bonne ligne, c'est FOI. La foi. Car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. C'est pour cela qu'il faut toujours appeler là. Il faut appeler là-haut. Jésus est sur la bonne ligne. Thank you. Emmanuel. Seigneur, s'il te plaît, fais de nous de bons disciples. Que nous ne soyons pas des traîtres comme Judas. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à ne pas suivre le mauvais des hommes. Aide-nous à suivre le bon des hommes comme Simon Pierre qui l'a fait. Que nous ne soyons pas des traîtres, au contraire, que nous soyons de bons disciples. Au nom de Jésus que j'ai prié, amen. Amen. Maman Dossou, est-ce que ça vous plairait d'avoir des enfants traîtres? Des enfants qui vous suivent à l'école de dimanche à l'église et puis quand ils vont grandir, vous n'allez plus les reconnaître. Priez pour vos enfants et pour les enfants des autres. Seigneur, je te confie ces enfants conformément à la parole qui a été prêchée. Je réclame ton sang sur leur vie pour les éloigner du mauvais chemin qui est d'être traîtres dans leur vie. Qu'ils suivent ton chemin et que le bon exemple qui va les servir d'être des bons disciples demain. Bénis-les, que ton sang les couvre eux, que ta gloire soit sur eux et qu'en grandissant, ta foi agrandisse en eux afin qu'ils soient de bons disciples pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Monitrice Ruth, directrice de l'école de dimanche, je prie le Seigneur. Père Céleste, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire pour ce beau message. Je prie Seigneur Jésus afin que tu nous transformes, tu permets que nous soyons de bons disciples attachés à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et en tant que monitrice, tu nous aides à ne pas être traîtres. Parce que Seigneur, il y a des moniteurs, des monitrices, qui ne sont pas de bons exemples pour les enfants. Les enfants qu'ils enseignent, Seigneur, aide tous les moniteurs, toutes les monitrices à ne pas être traîtres au nom de Jésus. Nous terminons avec le pasteur P. Adjussou. Notre Père, notre Dieu, nous voulons sincèrement te rendre grâce en ce jour. Je dis merci pour nos enfants qui ont choisi la bonne part durant ces vacances qui leur a été offerte, notre Dieu. Ils sont venus dans ta maison pour entendre et méditer ta parole. Nous voulons que cette semence qui est entrée dans leur cœur puisse porter de bons fruits afin qu'ils soient de véritables disciples et qu'ils soient l'Église de demain. Merci de le faire par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, amen. Amen. J'aime. Jésus. Qui est content. C'est moi. Oui, soyons contents d'être de bons disciples et non des traîtres. Au nom de Jésus. Merci, pasteur Adjussou, mémé Adjussou, merci à toute l'église de la Mi-Sige de Cocody Palmeret rue Ministre. Merci à vous, fidèles auditeurs. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient pour chacun de nous. Si vous voulez participer à cette émission animée par nous, veuillez nous appeler au 08 13 23 46, 08 13 23 46, 45 64 81 28, 45 64 81 28. Que Dieu nous bénisse. J'aime. Jésus. Yahoo! Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Bonjour.